Bienvenue à cette édition de la mi-journée du premier dimanche de l'an 2022. Voici les titres. Le président de la République du Burundi a annoncé que bientôt les élections sur le Conseil des notables seront organisées et après avoir constaté que plusieurs plaintes sociales sont constituées des conflits fonciers et familiaux. C'était lors de son discours à la Nation à la veille du Nouvel An. Il a également recommandé aux employés de l'OBR d'acheminer toutes les recettes collectées dans le trésor public et les Burundais sont interpellés de ne pas gaspiller sa richesse. À Gitega, un grand ravin qui était situé au bout de la 4e avenue du quartier Nyamugari de la ville de Gitega a été récemment bouché et cette avenue pavée. Eric Wimana sur la mise en onde et la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous venez de l'entendre dans les titres, les élections sur le conseil des notables collinaires seront bientôt organisées après avoir constaté que plusieurs plaintes sociales sont constituées des conflits fonciers et familiaux. Le président de la République l'a annoncé lors de son discours à la Nation à la veille du Nouvel An. Il a également précisé que les prisonniers détenus toujours aux prisons jugés qui se sont bien comportés seront libérés. Suivez le président de la République, Évariste Ndayishimiye, traduit en français par Leonidas Kirombo. Twarabonye amahinya tari make amwe ahagaze kuri kahise kabi uburundi bwaciyemo ndetse n'iyindi myidogo. Nous avons constaté plusieurs lacunes basées sur l'histoire du passé mais aussi sur la méconduite de certains magistrats, malheureusement devenue comme une habitude dans ce domaine, mais aussi nous sommes déterminés à mettre fin à tout cela. Autre chose constatée est que plusieurs plaintes sociales sont constituées par des conflits fonciers et familiaux. C'est logique, alors qu'on doit renforcer le conseil des notables collinaires, car ce sont ces derniers qui savent bien la vérité sur tous ces conflits et surtout que les témoins en sont ceux de l'entourage. Bientôt, nous allons organiser les élections sur ça et nous demandons à la population d'élire des sages qui le méritent. Le magistrat suprême doit avoir les collaborateurs pour appuyer en cas de demande de recours de la population ou de magistrats. Nous sommes satisfaits qu'il a été mis en place le secrétariat permanent de cette commission. Désormais, les Burundais pourront faire des recours en cas d'injustice en ce domaine. Nous avons des experts qui vont faire de l'écoute et enquête pour que cette commission ait des informations vérifiées et véridiques. Toutefois, nous demandons à la population d'éviter les mensonges, car nous avons déjà remarqué des gens qui n'acceptent pas de se conformer au jugement de la justice, et comme ça, ils font perdre du temps aux membres de cette commission. Nous avons également analysé que rien n'est possible sans toutefois d'abord mettre en exécution les jugements. Aujourd'hui alors, les magistrats sont à l'œuvre. Dans ce même sens, plus de 2700 prisonniers ont été libérés grâce à la grâce présidentielle et selon l'objectif du gouvernement, nous suivons toujours la conduite des prisonniers, toujours détenus, pour que ceux qui seront jugés de bons modèles soient aussi libérés. Kubera ingendo leta mvyeyi yiyemeje n'ubu tuguma dukurikirana inyifato y'abakiri mu ibohero kugira ngo turabe ko harabahindutse ngo batezurirwe. Dans le même message à la Nation, le président Évariste Ndayishimiye appelle les employés de l'OBR à acheminer toutes les recettes collectées dans le trésor public. Il a en outre recommandé aux Burundais de ne pas gaspiller sa richesse et de faire chacun son travail en ce qui le concerne. Nous allons y revenir. Un grand ravin qui était situé au bout de la 4e avenue de la ville de Gitega a été récemment bouché et cette avenue pavée. La population des environs s'en réjouit du moment qu'elle avait souhaité ainsi. Le chef de zone Gitega urbaine demande alors à la population de Nyamugali de veiller à ce que ce ravin ne réapparaisse et de sauvegarder cette avenue nouvellement pavée. Gérard Nibigira. Certains des habitants du quartier Nyamugari dans la ville de Gitega, qui ont des maisons à la 4e avenue récemment pavée de ce quartier, se disent satisfaits par le bouchage effectif du profond et large ravin qui existait au bout de cette avenue. Ils précisent que ce ravin a commencé petit à petit jusqu'à devenir très profond et très large. Ils avouent qu'ils avaient peur qu'un jour leur maison allait s'écrouler suite à ce ravin et témoignent que des gens, surtout des ivrognes, tombent souvent dans son ravin, d'où ils se réjouissent de son bouchage et du pavage de cette 4e avenue et remercient le gouvernement du Burundi pour cet acte. De son côté, le chef de zone Gitega Irbene Butoyi Hussein demande aux habitants de cette 4e avenue du quartier Nyamugari récemment pavé de la sauvegarder et de contribuer dans la prévention de la réapparition de son ravin. Ainsi, il les invite à informer qui de droit chaque fois qu'ils voient une certaine anomalie au niveau de cette avenue récemment pavée. Et au niveau de l'endroit où se trouvait ce ravin bouché, il profite de cette occasion pour mettre en garde les mécaniciens qui réparent déjà les automobiles sur cette 4e avenue récemment pavée et sur les autres avenues pavées du quartier Nyamugari, à leur demandant de renoncer à cette pratique et de plutôt réparer les automobiles dans des garages appropriés pour éviter des sanctions éventuelles. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Page sportive, les matchs de handball comptant pour la Supercoupe sont prévus ce dimanche au terrain de Sisinga dans la zone urbaine Ngagara. Côté féminin, la formation Sistaz va affronter celle de Rumuri au moment où côté masculin va croiser le fer avec SOS. Au football, le match amical entre l'équipe Vitalo FC qui joue le championnat de la première division et Interstar de la deuxième division sera livré à 15h au stade Inwari de Bujumbura. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais le rappel des titres avant de boucler cette édition. Le président de la République a annoncé que bientôt les élections sur le Conseil des notables seront organisées. C'est après avoir constaté que plusieurs plaintes sociales sont constituées des conflits fonciers et familiaux. C'était lors de son discours à la Nation à la veille du Nouvel An. Il a également recommandé aux employés de l'OBR d'acheminer toutes les recettes collectées dans le trésor public. Les Burundais sont interpellés de ne pas gaspiller sa richesse. Et à Gitega, un grand ravin qui était situé au bout de la 4e avenue du quartier Nyamugari de la ville de Gitega a été récemment bouché. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Cornelia Mucho.